le premier dans la bataille. Calibre autour de la taille, si tu fais chauffer, il va te fumer. Crée ma perte, il veut graille, même un jeu, il tire des rails, il perd la tête à force de consumer. Voilà chez moi comment ça se passe, ta fierté a pris le dessus, on peut plus dire on se casse. C'est des terres sur le terre, terre dans le bloc, ça s'entasse. Plus que je fais de cœur et tes blabla, on s'en passe. Tu fais le mec bien pour aller voler, t'engraines ton pote, je crois que t'as assez. Tu reconnais même plus tes fautes. Et ouais mon pote, tu veux de la cote, car tout le monde t'a fermé la porte. Tu sers la femme de ton pote, la charge en R8 sur la côte. Tu prends tout le monde de haut, oublie les personnes qui t'ont aidé. Près de verre, tu fais le héros, tu t'enflammes quand t'es trop pété. Tu fumes des pétards dans le hood, dans la ville, parce que dans le biz y'a rien de good. Au vroom du T-Max t'as la pile, mais t'es fou. Tu fais le mec genre, moi je crains pas les coups. J'ai trop cramé dans le secteur, sur toi les schmitts sont à l'écoute. Allez bouge, viens pas me dire qu'à moi tu me fais ta morale. Tu me connais moi Jules, je baisse le chef et son caporal. Pour toi être tranquille c'est temporaire, t'sais même plus qui t'as sur les côtes. Tu connais bien la loi, quand t'es en guerre ça tire plus sur les côtes. Tu sais même plus quitter, l'argent t'a téléguidé. Tu fais le mec un plein de folle, mais on sait tous que ta femme t'a quitté. Gros t'es perdu. Tu te retrouves seul à l'hôtel. Ton plan fort elle était trop belle. Ça y est tu pars en mauvais d'elle, car t'es fou d'elle. Devant ses yeux tu fais le mec pas fidèle. Lui dis tout une fois la vodka arrête bouleversée dans la vitelle. Tu prends ton calibre, oublie que même dehors t'es pas libre. C'est qu'à peine BDH qui viennent après quand la rue te valide. Qu'est-ce qui t'arrive? Dans ton quartier tout le monde t'aimait à la folie. Tu t'es fait chauffer, tu te retrouves à mettre des trackers sur des bolides. Reprends-toi, reste solide, ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. T'imagines? Ton frère meurt tué d'une calache. Ou si ta mère pleure accusée de vol à l'étalage. Moi j'ai vu les problèmes, pourtant j'avais pas l'âge. Ma mère a fait de moi ce que je suis, un mec qui devant le mic à la rage. C'est pas bien poto, ça m'a dit que tu t'en mets dans le nez. Pour aller dire à ce mec je te braque, bouge pas, reste bras levés. Bref, fais comme tu veux mais réfléchis bien. Des fois même le malheur revit bien. Aïe aïe aïe. C'est le premier dans la bataille. Calibre autour de la taille, si il se fait chauffer il va fumer. Rien à perdre, il veut graille, même un jeu, il tire des rails, il perd la tête à force de consumer. Voilà chez moi comment ça se passe, ta fierté a pris le dessus, on peut plus dire on se casse. C'est des terres sur le terre, terre dans le bloc, ça s'entasse. Plus pitié, plus de cœur, t'es blabla, on s'en passe. Aïe aïe aïe, c'est le premier dans la bataille, calibre autour de la taille, si il se fait chauffer, il va fumer. Rien à perdre, il veut graille, même un jeu, il tire des rails, il perd la tête à force de consumer. Voilà chez moi comment ça se passe, la fierté a pris le dessus, on peut plus dire on se casse. C'est des terres sur le terre, terre dans le bloc, ça s'entasse. Plus pitié, plus de cœur, t'es blabla, on s'en passe. C'est le premier dans la bataille, calibre autour de la taille, si on se fait chauffer.